Halleluja. Halleluja. J'ai prié Dieu pendant des heures. On m'a dit qu'il était trop vieux pour tous nos pleurs, qu'il est trop riche pour écouter nos pauvres cœurs, qu'il est trop pris, qu'il est femme, qu'il est homme, qu'il est hétéro, qu'il est gay, qu'il est chanteur, qu'il est DJ, qu'il est mort et qu'il est né, qu'il est même musulman ou juif, qu'il est bouddhiste et athée. Au nom du rythme et des gens, je crie Alléluia. Alléluia, béni soit la musique et Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia. Lorsque j'élève mes mains au ciel. Alléluia. Lorsque je saute et que je crie. Alléluia. C'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia. J'entends des voix de gens que je ne vois. Si toi aussi tu les perçois, c'est que tu avais perdu la foi. C'est ce que je prie durant la nuit, lorsque j'élève mes mains au ciel, lorsque je saute et que je crie. C'est l'Éternel qui me le dit. Alléluia. C'est ce que je prie durant la nuit. Alléluia. Lorsque j'élève